Jésus comme moi, dans la cour, A la fin, mini contrat avec mon camarade qui relé Chasram. Il dit me couper. Quel pas fin. Dit mon cher papa, fait toute semaine de on vieux Bogota, m'a rejoindre. C'est dit mon cher, mon vieux ami, m'a vieux Bogota, laissez-moi faire le baoul. Là, là, avec moi, je vais faire connaissance avec Zami. Hein? Zami, un bon clé. Mettre l'eau, mettre l'huile, mettre gaz, mettre stade, cavote, cavote, cavote, aïe aïe aïe, démarrer, aïe aïe aïe, virer, on fait toute une journée, on va faire 5 centimes, à la fin, par contre, ça va arriver, nous devons prendre 5 pannes de caoutchouc, bon Dieu, pour moi, je vais me lever le panneau, je dis bon, m'a fait un dernier viré pour moi pour ça. Tombe viré, viré. M'viré quand comme d'adou son chauffeur des noces. M'a plat sonné. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Nous j'ai le point de something. M'entrer quand maman me dit something. Je dis bon, je vais la caille. Maman me dit, garde nos petites. Quand on fout tes doigts, il va mon bout, non? Bien, bien, maman. Déjà là, déjà. Tout là, présidez-moi. Je vais la caille, moi. Je vais arrêter la caille, moi. M'embrasser, madame, moi. Déshabiller, moi. Petite douche, l'eau tiède, moi. Monter ta table, moi. Manger. Oh! Je suis habillé comme sous cabane quand on table font qui dormi. Femme dans souke moi. Il dit mais levé, levé, c'est le travail au vini. Pas venir dormir ici. Levé, levé, levé, levé, c'est le travail au vini. Il dit oui, mes amis, ça arrête pour moi. Oui, tous nos crayons. Femme dans ses sous, c'est la sous. À la fin, c'est obligé de les hommes. La police. Mes amis, barabab, les mouem pas à dormir, vous êtes obligé à l'acheter 8 coups de coupier pour me vin bouillir, pour me bouillir, pour me fricasser, pour me manger, pour moi son petit dorme après moi. Oh oh, comment dit non, ou pas vin garder la caille moi. Je dis bon c'est pas ça, qui s'ouvre, sort à remettre la salle, qui ça pour me prendre là? Pas prendre gas au rix. On m'a dit non, pas mal les bols ça même. Alors que tu as fait un bon appétit, et on va manger plus dans la caille là. Non, non, c'est pas pour ça ou là. Hein? Non, bien bien. Ma prend Feno, il dit non, Feno, pas mal les bols ça même, Feno, bien bien. Ma prend Feno au sol, on m'a dit non, hein, on baisse vingt gâteaux, c'est maïa ça ou yo, pas vingt gâteaux dans la caille moi. À la fin moi, c'est voyez, fille à pour moi. C'est voyez, voyez, qui vient neve, mal qui le comprend. Je ne vais pas arrêter, non, comprends, mais je vais neve. Bien, bien. Ma poudre, pas la raison. Pendant du jour que mon nom a brûlé, jour que mon nom a brûlé, on va mettre tête ici. C'est moi qui mets tout, ça me douce ça. Dis, oui, bon Dieu, mourir. Tous nos crayons, femmes dans ses sous, c'est la douce. Envoyez la police. cousine de connaître. Pas voyer Jésus comme moi. Moi, t'avais dans la cousine de connaître.